boîte avec mes mains, ça fait Saturnin le babouin, Saturnin qui n'a peur de rien, Saturnin le babouin, Saturnin qu'on aime bien. Se promène en pirogue avec Saturnin. Devant eux, un grand bateau s'avance. De peur de chavirer à son approche, Tao agite les bras en criant. Par chance, le capitaine du bateau les repère. Explorateur renommé, il l'invite à monter à bord avec lui pour traverser l'océan par le nord à destination de l'Argentine. À peine le temps de dire au revoir à son nouvel ami, Tao se hisse sur le pont. Il a soif d'aventure et en a déjà des fourmis dans les jambes. Le capitaine explorateur le prévient. « Nous allons vivre peut-être de grandes tempêtes et passer entre d'immenses blocs de glace. »